24-7. Observation. Appréciation. C'est exquis. C'est délicieux. Votre potage est délicieux. Ce gigot est fameux. C'est une merveille. Cet armagnac est extraordinaire. C'est le poisson que je préfère. C'est ce que je préfère. C'est mon dessert préféré. Oh, moi, j'ai un faible pour le chablis. Ça, c'est ce qu'on dit quand on est invité.